morning, amiga! Eh bien, chers amigaïstes, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau podcast hors-série d'Amiga Impact. Arnaud au bout du micro, évadé de la démo la plus fêlée, pour votre plus grand plaisir. Batman, l'inconscient, a accepté de me laisser le podcast afin de vous proposer un petit blind test. Il portera sur les musiques de jeux Amiga couvrant une période de 1988 à 2023. Armé d'un stylo et d'une feuille de papier, je vous demanderai de me donner le nom du jeu pour un point, son année de parution pour un autre point, et le compositeur toujours pour un point, ce qui portera le total possible de points par extrait à 3. Je ramasserai les copies à la fin du podcast. Je dois vous prévenir que certains extraits seront plus évidents que d'autres. Il faudra pas vous sentir mauvais si vous trouvez pas. C'est tout à fait normal de ne pas connaître toute la ludothèque de l'Amiga par cœur. De plus, le défi est corsé avec 3 points par extrait. Mais soyez conscient qu'avoir déjà un point est carrément bien. Bon, trêve de plaisanterie, attaquons avec l'extrait numéro 1. Que j'ai pu passer de temps avec mes potes. Mais bon. Donc là, on va passer à l'extrait numéro 2. Pas trop répétitif la musique, bon ça va. Ah, le son de cloche terrible quoi. Bon, il est temps de passer à l'extrait numéro 3. Passer à l'extrait numéro 4. On passe à l'extrait numéro 5. Thank you. de chiptune, c'est de la bombe, bébé. Ah, ça me fait mal au cœur de l'arrêter, mais... Allez, extrait numéro 6. Numéro 7. Avec mes commentaires un peu lourdos, et on va passer à l'extrait numéro 8. J'avoue, j'ai un petit peu sabré l'introduction du morceau, c'était pour qu'on profite mieux de la suite. Extrait numéro 9. Passer à l'extrait numéro 10. Allez, extrait numéro 11. crois qu'il est l'heure d'enchaîner sur l'extrait numéro 12. Je pense qu'il était facile, celui-ci. Allez, extrait numéro 13. Pas mal, non? Allez, extrait numéro 14. Extrait numéro 15. Extrait numéro 16. Extrait numéro 17. Ah, je crois que c'est définitivement mon chouchou de la sélection, celui-ci. Allez, extrait numéro 18. Extrait numéro 19. ça va, pas trop répétitif celui-là. Allez, extrait numéro 20. Extrait numéro 21. C'était ma petite Madeleine de Proust. Extrait numéro 22. Extrait numéro 23. Extrait numéro 24. Nous arrivons au terme de ce blind test qui, j'espère, vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires et puis à très bientôt. Bye bye!